AK, Apocalypse, AXIS, Antilope, 9-8, Apocalypse. Méfie-toi des zouk-love, collés serrés en gros amour, trop peu sérieux, love story d'une soirée c'est sûr. L'air. Faut pas compter sur elle, des meufs viens, y'en a peu et des perfides, y'en a trop, toutes les mêmes meufs, toutes les mêmes. Ça pêche chercher City, si tu crois que tu peux te situer, ce que j'y fais, fais du fiance-con. Mais si à couille, donc fiasco, deviens méfiant, il fait plus fiance-con. L'amour c'est comme l'eau, dans notre vie on en boit des litres, l'autre nous promet fidélité, nous de même, donc on baisse la garde jusqu'au jour où on se fait berner, où on pète les plombs comme Bernie. Mère à vivre comme des Niro, le plus dur dans tout ça, ne pas délirer. De la Chine à l'Autriche, en passant par Miami Beach. Toutes les mêmes meufs, même mimique, même micmac, aucune est unique. Toujours les mêmes meufs, toujours les mêmes bluffs, toujours les mêmes seufs, détournés par les mêmes refs. De la Chine à l'Autriche, en passant par Miami Beach. Toutes les mêmes meufs, même mimique, même micmac, aucune est unique. Toujours les mêmes meufs, toujours les mêmes bluffs, toujours les mêmes seufs, détournés par les mêmes refs. Toujours les mêmes meufs à reste, avec les mêmes chichis, les mêmes pièges. Méfie-toi d'elle car elle reste fidèle jusqu'à ce qu'un gars la siège. Ensuite c'est un autre cliché, compris péché, début d'une vie éméchée. Toujours les mêmes bluffs, elle sort pour pleurer. Toujours les mêmes raisons pour pleurer, se faire excuser de ses péchés et de ses erreurs passées. Comme dit Antilope ça, la vie faut pas la lécher. Les meufs non plus mais se méfier, leur passé si. Et si t'effaces aussi ta vigilance envers elle, les taux se resserre et par la suite laissera de grosses séquelles, mec. La Chine à l'Autriche, en passant par Miami Beach. Toutes les mêmes meufs, même mimique, même micmac, aucune est unique. Toujours les mêmes meufs, toujours les mêmes bluffs, toujours les mêmes seufs, détournés par les mêmes refs. La Chine à l'Autriche, en passant par Miami Beach. Toutes les mêmes meufs, même mimique, même micmac, aucune est unique. Toujours les mêmes meufs, toujours les mêmes bluffs, toujours les mêmes seufs, détournés par les mêmes refs. Tu dis que tu m'aimes, voudrais des mômes de moi et moi de même de toi. Me fais croire en l'amour éternel, belle vie comme toi, y a pas plus fidèle. Donc je tire un trait sur mes ex, mes futures carrières, toi qui comptes. J'arrive même à dire à mes potes que je t'aime, même si ça me fait honte. J'ai cru plus amer, mais là j'ai pas le temps car je parle d'amour. De toi et je t'aime pour toujours, c'est avec toi que je veux tout partager. Mais merde, j'ai vu rouge, jour où ton ex tu l'as embrassé. Trop affaibli pour réagir ce jour-là, alors j'ai tracé. Mais quand tu te souviens de la suite, une fin plutôt dramatique. À croire que l'amour est factice, du moins celui qui porte une tasse. Profiteuse menteuse et pétasse aux airs chaleureuses. Méfie-toi de toute cette jambe féminine, aucune n'est sincère amoureuse. Une meuf, c'est pas un cadeau, je l'offrirai pas à mon pire ennemi. Début ta galère, et sache que les beaux jours sont finis. Moins de sorties avec des potes, moins de repos, moins de soirées. Début des prises de tête et de l'obligation de te justifier. Et tout ça pourquoi? Pour une meuf qui te tromperait pour un rien. T'es prêt à jurer sur la tête ta mère, ta meuf bluffe, elle t'aime trois morts. Mais si tu savais seulement, je suis sûr que ça te laisserait un goût trop amer. Merde. La Chine à l'Autriche, en passant par Miami Beach. Toutes les mêmes meufs, même mimique, même micmac, aucune est unique. Toujours les mêmes meufs, toujours les mêmes bluffs, toujours les mêmes seufs, détournés par les mêmes refs. La Chine à l'Autriche, en passant par Miami Beach. Toutes les mêmes meufs, même mimique, même micmac, aucune est unique. Toujours les mêmes meufs, toujours les mêmes bluffs, toujours les mêmes seufs, détournés par les mêmes refs. AXIS, F8, Antilope, Apocalypse, ATK, Heptagone, méfie-toi. Ego, maximum des gars, méfie-toi. AXIS, Antilope, Apocalypse, Heptagone, ATK.